إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence le cours 22 dans la lecture de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah dans son livre qui s'intitule Al-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et donc on est arrivé à l'endroit où le Cheikh Al-Islam, Imam Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans Al-Hamawiyya: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم وضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, puis par la suite, ensuite, lorsque on voit que les imams de la guidance se sont tous mis d'accord, ils sont tous réunis sur le fait de blâmer la voix de Bushr al-Murisiyya, et que la plupart d'entre ces imams, c'est-à-dire les imams de la guidance, les imams des salaf, ont déclaré cette voix comme étant une voix de kufr et d'égarement, hein, ils ont déclaré les Jahmiyya, hein, et les gens qui ont suivi Bushr al-Murisiyya, donc ils les ont déclarés kuffar, kaffaruhum, وَضَلَّلُوهُمْ. Ils ont déclaré égarés. Donc on sait par cela que cette parole qui est transmise aujourd'hui par ceux qui les ont suivis et qui ont suivi leur voix, c'est exactement la même voix que Al-Murisiyya, c'est-à-dire ceux qui ont suivi par la suite, c'est-à-dire comme par exemple Al-Asha'ira et Al-Maturidiyya aujourd'hui, eh bien les shubuhat qu'ils ramènent et les paroles qu'ils ramènent au sujet des noms et des attributs d'Allah, eh bien c'est les mêmes shubuhat que celles des Jahmiyyah et celles des Murisiyyah, hein, des gens qui suivaient la voie de Bishr al-Murisi. Donc le Cheikh il dit, donc on va, lorsque on sait que ceux qui ont suivi la même voie que la voie de al-Murisiyyah, eh bien la personne qui cherche la guidance, hein, eh bien, la guidance elle-même devient claire pour celui pour qui Allah a voulu la guidance. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Il n'y a pas de mouvement ni de force excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce passage-là. Et il dit, بَعْدُ الْعُلَمَا كَفَّرَ الْجَهْمِيَّةِ بِمَا قَالُوهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ وَبَعْضُهُمْ لَا يُكَفِّرَ الْمُقَلِّدِينَ مِنْهُمْ لكن يحكم عليهم بالضلال، لكن من كان منهم عالما ويتعمد التضليل فهو كافر بلا شك، لأنه معاند لكتاب الله وسنة رسوله، لكن أجمعوا على ذمهم وتضليلهم وإن اختلفوا في تكفيرهم أو عدم تكفيرهم. Donc le cheikh il dit, certains d'entre les ulama ont déclaré les jahmiyyah kuffar à cause de ce qu'ils ont dit comme paroles de kuffre et d'égarement. Et certains d'entre eux, les ulama, n'ont pas déclaré kuffar les muqallidin, c'est-à-dire ceux d'entre eux qui suivent aveuglément. Hein? Mais ils ont quand même dit à leur sujet que ce sont des égarés. Mais ceux d'entre eux qui sont savants, hein, qui savent et qui font exprès pour égarer les gens, le cheikh dit, il n'y a pas de doute que ceux-là sont des kuffars ou que celui-là qui agit comme ça est un kafir, parce que c'est quelqu'un qui oppose obstinément, hein, et avec arrogance la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, les savants se sont quand même mis tous d'accord pour les blâmer et pour les déclarer égarés, peu importe qu'ils soient d'accord sur le fait que ils soient sur le fait de les déclarer koufars ou non. C'est-à-dire, peu importe que malgré que les savants ont divergé entre eux sur est-ce que ce sont des koufars ou non, mais ils sont tous d'accord sur le fait de les blâmer et de les déclarer comme étant des égarés. Et l'imam Ibn al-Qayyim, comme je l'ai mentionné déjà plusieurs fois, il mentionne que il y a plus que 500 d'entre les imams des salafs qui ont déclaré les Jahmiya kuffar. Hein? Donc c'est quelque chose qui est une position très connue chez les salafs, et c'est la majorité même d'entre eux qui avaient cette position-là. Dans le charh de dans le charh du Cheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Rajihi, qui s'intitule An-Nafahat Al-Miskiya ala al-Ta'liq ou fi al-Ta'liq ala al-Fatwa al-Hamawiya, il mentionne ce point-là et il met il fait un commentaire à ce sujet. Il dit: wa ala hadha yakunu akthar al-ulama ala takfirihim wa minhum man badda'ahum ومن العلماء من كفر رؤساؤهم وبدع عامتهم كفر رؤساؤهم وبدع عامتهم والذين جاءوا بعدهم في القرون المتأخرة من هؤلاء المتكلمين على مذهب المريسية والذين جاءوا بعدهم في القرون المتأخرة من هؤلاء المتكلمين على مذهب المريسية، لأن المريسية كانوا في القرن الثالث، وهذا لمن جاء من بعدهم في القرون المتأخرة، أي أن أقوالهم في نفي الصفات هي عين قول المريسي، فكل من أنكر أسماء الله وصفاته كفره العلماء. لكن المعين لا بد أن تقوم عليه الحجة. Donc le cheikh il explique ici, il dit parmi donc l'imam cheikh al-Rajih il dit la plupart des ulama ont déclaré les Jahmiya, les Mourisiya comme étant des kuffar. Ils ont fait leur takfir. Et parmi les ulama, certains les ont seulement déclarés mubtadi'a. Et parmi les ulama, il y en a d'autres qui ont adopté une autre position, c'est-à-dire ils ont déclaré kuffar leur tête, c'est-à-dire les chefs d'entre eux, les Jahmiya et les Mourisiya, et le reste des suiveurs, des gens du commun qui les suivent, eh bien ils les ont déclarés mubtadi'a seulement. Ils les ont déclarés comme étant des innovateurs, ils ne les ont pas déclarés kuffar. Et il dit, ceux qui sont venus après eux, dans les siècles qui ont suivi, parmi ces mutakallimin qui suivent la voie de Al-Mourisiya, il dit le cheikh, donc ils sont sur la même voie qu'eux, parce que les Mourisiya, eux, ils étaient dans le troisième siècle, hein? Et ceux qui sont venus après eux dans les siècles qui ont suivi, leur parole dans la négation des attributs est la même parole que la parole de Al-Mourisiya. Donc, toute personne qui nie les noms d'Allah et ses attributs, les ulama les ont déclarés kuffar. Toutefois, les individus en particulier, eh bien, il faut absolument que la preuve soit établie contre eux pour pouvoir les déclarer pouvoir. Hein? Donc ça, c'est pour ceux qui, en même temps, pensent que Cheikh Rajihi, il n'est pas en accord avec le fait qu'on doit établir la preuve et qu'il y a une excuse pour les gens ignorants ou des choses comme ça. Et bien, ici, on a une preuve que c'est faux. Et puis, il y a beaucoup d'autres paroles et beaucoup de citations et de clarifications de la part du Cheikh Rajihi qui fait la distinction entre le takfir al-mutlaq, c'est-à-dire le takfir général ou global, et le takfir spécifique ou le takfir d'un individu en particulier. Et il explique ici qu'il faut absolument établir la preuve sur la personne avant de le déclarer kafir. Donc ça, c'est un principe parmi les principes des gens de Ahl Sunnah. Donc c'était juste pour donc clarifier ce point-là pour que ce soit plus clair. Ensuite, on revient aux paroles de Cheikh Al-Fawzan sur ce sujet. Il dit وَإِذَا عَرَفَ مَنْ يُرِيدُ الْحَقِّ أَنَّ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتَ الَّتِي عِنْدَهُمْ هِيَ التَّأْوِيلَاتَ الْمُرِيسِيَةَ الَّتِي نَشَأَتْ مِنْ تَعْرِيبِ كُتُبِ الرُّومِ فِي وَقْتِ الْمَأْمُونِ يَتَبَيَّنُ لَهُ الْحَقِّ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَقِّ أَمَّا مَنْ لَا يُرِيدُ الْحَقِّ فهذا تقوم عليه الحجة وقد وجد في زماننا من يمجد هؤلاء الضلال والملاحدة ويسفه من رد عليهم وبين باطلهم لكن قوم ولكل قوم وارث وللناس فيما يعشقون مذاهب. Donc Cheikh Al-Fawzan dit si tu veux savoir la vérité. Non, celui qui veut la vérité, lorsqu'il a su que ces interprétations ou ces déformations que les Mourisiyas ont, si la personne qui veut la vérité a su que ces fausses interprétations ou ces déformations du sens des attributs d'Allah qui sont présentes actuellement chez les gens de Kalam, parmi les Asha'ira et les Maturidiyas, si tu veux savoir que ces déformations-là et ces ta'wilat sont les mêmes ta'wilat qui sont présentes chez les Mourisiyas, ceux qui ont suivi les Jahmiyas et Bishr al-Mourisi, qui sont nés en fait de la traduction des livres des Grecs et des Romains en langue arabe qui s'est produit à l'époque de Al-Ma'mun, donc tu veux savoir, tu as su que ces ta'wilat-là, c'est les mêmes que celles-là, eh bien, ça devient clair pour toi si tu veux la vérité. Toutefois, si tu veux, celui qui ne veut pas la vérité, la preuve, elle a été établie contre lui, puisqu'on lui a montré clairement maintenant les preuves. On lui a montré clairement les preuves qu'il n'y a pas de différence entre les ta'wilat des Jahmiyyah et les ta'wilat de ceux qui ont suivi par la suite. Et il dit, et on a trouvé à notre époque des gens qui vénèrent ces égarés, ces athées, et qui déclarent futiles les réfutations qui ont été faites contre eux, qui pensent que les réfutations contre eux sont futiles, et que le fait de clarifier leur fausseté, c'est quelque chose de futile. On voit même à notre époque des gens qui, par exemple, vont dire à propos de des gens qui font, par exemple, on a entendu dernièrement des gens qui ont dit tu peux prendre la science de quelqu'un même si il fait pas le tabdir de Jahm ibn Safwan, par exemple. On a entendu ça, et il y a des ulama parmi les mashaykh comme Cheikh Ahmed Bazmoul et Cheikh Mohammed bin Hadi qui ont mis en garde contre les personnes qui ont dit ce genre de paroles, parce que les salafs, non seulement ils ont déclaré Jahm ibn Safwan comme étant un mubtadi', mais ils l'ont déclaré même kafir. Donc de jeter des paroles comme ça, c'est quelque chose de grave. Ça ouvre une porte vers le fait de prendre à la légère les questions d'aqidah et de pas donner d'importance à ces questions-là et de négliger la mise en garde envers les mubtadi'a et ainsi de suite. Donc, des paroles comme ça qu'on a entendues de la part de Ibrahim al-Ruhayli et yani, des individus comme ça, donc ça c'est des paroles graves, c'est des paroles dangereuses et donc il faut faire attention à ça. Et ensuite le cheikh il dit les kulli qawmin waris, donc tout peuple a des héritiers, hein, et donc c'est-à-dire que parmi les gens de bid'ah, il y a toujours des gens qui héritent de leur bid'ah et qui les transmettent par la suite, et les gens qui cherchent toujours, il y a toujours des gens qui cherchent à suivre les voies de ce qu'ils aiment parmi les différentes voies, et donc ils suivent ce qu'ils trouvent et ce qu'ils aiment, et donc c'est pour dire qu'il y aura toujours des gens pour suivre la fausseté et le mensonge, peu importe la génération ou l'époque. Après, le cheikh il dit wal fatwa la tahtamil al bast fi hadha al bab, ça c'est Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, il dit wal fatwa la tahtamil al bast fi hadha al bab wa innama nushiru isharatan ila mabadi' al umur wal aqil yasiru fa yanzur. Donc le cheikh il dit, Cheikh l'Islam il dit ici que la fatwa elle peut pas, c'est-à-dire la fatwa, le cheikh il a pas voulu la faire trop longue, trop grande. Donc il peut pas trop s'attarder, sur ce point-là et sur cette question-là. Mais il a mentionné des indications et des bases pour être capable de donner à la personne qui réfléchit et qui observe les choses des clarifications qui vont l'aider à comprendre le sujet. Sinon, il y a d'autres livres de Cheikh l'Islam où il a clarifié, où il a parlé de ça plus en détail. Et donc souvent on trouve ça dans les paroles ou dans les livres de Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'il mentionne par exemple un point, puis il fait juste le mentionner rapidement en résumé, puis il dit à la fin, il dit mais ici n'est pas l'endroit pour élaborer cette question. C'est-à-dire que il a expliqué par exemple ailleurs, où il en a parlé dans un autre livre en détail, et parfois il indique dans quel autre livre il en a parlé, et parfois il fait juste mentionner qu'il en a parlé ailleurs. Donc ça c'est un exemple de qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans les paroles de Cheikh l'Islam. Et Cheikh Al-Fawzan il dit ici à ce sujet hadhihi al-fatwa allati katabaha al-Cheikh jawaban liman sa'alahu an madhhab ahli al-ilm fi al-asma' wa al-sifat la tahtamil al-bast wa al-tafsil wa hadha i'tidhar minhu rahimahullah an al-bast li'anna al-fatwa yajib an takuna mukhtasara. Subhanallah. Donc le cheikh il s'excuse, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il s'excuse de pas prolonger l'explication ou de pas trop détailler, parce qu'il dit que Cheikh Al-Fawzan il dit parce que le cheikh a écrit cette fatwa comme une réponse au sujet de la position des ulama à propos des noms et des attributs, et il mentionne que ça n'implique pas ou ça peut pas permettre de rentrer trop dans les détails et d'expliquer plus de façon plus longue. Donc ça c'est une excuse de sa part, et il dit que la fatwa il faut qu'elle soit résumée en principe à la base. Donc on voit que c'est pour ça que Al-Hamawiyya elle est relativement courte par rapport à d'autres livres qu'il a écrits, parce que c'est une fatwa, c'est-à-dire c'est juste une réponse à une question. Et quand même, on reste quand même ébloui devant la grandeur de cette œuvre et de ce livre, malgré son format qui est résumé ou qui est petit, mais qui est vraiment condensé dans la quantité de connaissances et d'informations que le livre contient, malgré sa petite forme, son petit format, on retrouve dedans toutes sortes de clarifications, de principes et de fondements et de preuves et d'explications et de paroles des ulama. C'est quelque chose d'étonnant. Donc après, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: wa kalam as-salaf fi hadha al-bab mawjud fi kutub kathira la yumkin an tuzkar huna illa qalilan minhu. Donc là maintenant, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il va commencer à énumérer des livres dans lesquels on retrouve les paroles des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah et au sujet de l'aqida et du manhaj des salafs en général aussi. Mais il y a des livres, c'est vrai, qui sont plus spécifiques à la question des noms et des attributs, parce que c'est des livres qui réfutent les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyah de façon particulière, tandis qu'il y a d'autres livres dans lesquels il y a ça, mais il y a aussi des réfutations sur d'autres questions ou d'autres points et des clarifications sur d'autres éléments parmi les fondements de la Sunna. Et donc le Cheikh Ilba Ibn Taymiyyah, il commence maintenant l'énumération de plusieurs livres et de plusieurs noms de livres, mais il dit les livres à ce sujet-là dans lesquels il y a les paroles des salafs sont présentes dans de nombreux livres, et il dit que ce n'est pas possible de les mentionner tous ici, excepté un petit nombre, comme par exemple le livre As-Sunan de l'imam Al-Lalakai. As-Sunan de l'imam Al-Lalakai. Donc, en ce qui est de l'imam Al-Lalakai, son nom c'est Abu al-Qasim Hibatullah Ibn al-Hasan Ibn Mansur al-Razi al-Shafi'i. Il est décédé en l'an 428 de la Hijra. Et kitabuhu al-Madhkur dhakarahu al-Dhahabi wal-Khatib al-Baghdadi wa ghayrihima. Donc ce livre qu'il a écrit, As-Sunan, il a été mentionné par l'imam al-Dhahabi et par l'imam al-Khatib al-Baghdadi et d'autres également, et il est publié ce livre sous le titre Sharh Usul i'tiqad Ahl-Sunnah wal-Jama'a. OK, et il est publié en plusieurs volumes, et c'est un livre qui contient plusieurs sujets, et parmi ces sujets-là, il y a un des sujets qui est la réfutation des Jahmiyyah. Et tu vois dans ce chapitre par exemple, ou dans ce volume, les réponses, qu'est-ce que les salafs ont dit par rapport aux Jahmiyyah et ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah. Mais il y a aussi des chapitres au sujet du Qadar, au sujet de la réfutation des Khawarij, des Mu'tazila, la réfutation aussi des Murji'a et de différentes sectes, et la défense de la Sunna et la réfutation de la Bid'a de façon générale. Donc c'est un des livres de référence que les ulama utilisent, puisqu'il y a beaucoup de paroles des salafs réunies dans ce livre-là. Donc on l'appelle, le livre c'est Sharh Usul i'tiqad Ahl Sunna wal Jama'a, et c'est écrit par l'imam Al-Lalakai. OK? Donc ça c'est le premier livre que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Ensuite, il mentionne un autre livre aussi qui est à peu près de la même grosseur que celui de l'imam Al-Lalakai, c'est le livre qui s'appelle Al-Ibana de l'imam Ibn Battah. Ça c'est le deuxième livre qu'il a mentionné. Et l'imam Ibn Battah, c'était un muhaddith, un faqih, un des shuyukh de l'Irak. Son nom c'est Abu Abdillah, sa kunya c'est Abu Abdillah, son nom c'est Ubaydillah Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Hamdan Al-Akburi Al-Hambali. On l'appelle Ibn Battah. Il est né en l'an 304 et il est mort en l'an 387. Il est né en 304. Donc, il a aussi un livre qui s'appelle Al-Ibana As-Sughra. C'est c'est un petit livre qui contient il est quand même assez grand, mais quand même assez gros, mais relativement petit par rapport à Al-Ibana. Mais c'est pour ça que les savants le divisent en deux. Al-Ibana Al-Kubra, celui qui est avec plusieurs volumes, qui est plus volumineux, et qui est publié également, et Al-Ibana Al-Sughra, et qui est en un seul volume, qui est plus petit, qui contient des éléments et des points au sujet du manhaj et de l'aqida de Ahl-Sunna al-Jama'a. Et dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a le cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah, qui a fait des cours pour expliquer ce livre, Al-Ibana al-Sughra. Il a fait donc des cours audio pour l'expliquer, et c'est des cours vraiment bénéfiques qui clarifient vraiment bien ces questions-là. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre livre qui est As-Sunnah de l'imam Abu Dhar al-Harawi. Abu Dhar al-Harawi, il l'appelle, son nom c'est Al-Hafiz Abdullah ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Abdullah al-Khurasani al-Harawi. C'est un faqih maliki. Il est né en l'an 356, et il est mort en l'an 434. Et il a plusieurs livres, et parmi les livres qu'il a, c'est Kitab al-Sunnah, et il a été mentionné par l'imam al-Dhahabi dans son livre à son sujet. Siyar A'lam al-Nubala, le volume 18 à la page 554 et 555. Il y a aussi un autre livre qu'on appelle Al-Usul, qui a été écrit par l'imam Abu Omar al-Talmanki, un autre livre qui ramène les positions des salafs. Et Abu Omar al-Talmanki, son nom c'est Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Isa al-Ma'afiri al-Andalusi al-Muqri al-Muhaddith. Donc c'est un récitateur, c'est un muhaddith, un hafiz, un savant de la ville de Qurtuba, en Andalousie. Talmanki, ça fait référence à une ville qui s'appelle Talmanka, en Andalousie. Et il est mort en l'an 429. Non, c'est ça. Et ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne un autre livre il dit c'est les paroles de l'imam Abu Omar Ibn Abdul Barr. Dans son livre, Abu Omar Ibn Abdul Barr, il n'a pas mentionné le livre. Mais il y a des paroles sur le sujet des noms et des attributs d'Allah dans plusieurs de ses livres, où il réfute les Jahmiyyah, comme dans Al-Tamhid et dans Al-Istidkar et dans d'autres livres aussi. Il y a une recherche qui a été faite sur la Aqida de l'imam Ibn Abdul Barr, elle est publiée, et c'est une thèse qui avait été faite à ce sujet-là, et on retrouve dedans plusieurs des citations de l'imam Ibn Abdul Barr, Abu Omar, un des grands savants parmi les ulama de l'Andalousie. Son nom c'est Al-Allama Al-Hafiz Abu Omar. Son nom c'est Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barr ibn Asim al-Namri al-Qurtubi al-Maliki. Un des grands, parmi les grands imams de l'islam, et il avait de nombreux livres, nombreux ouvrages qu'il a écrits. Il est né le jour de Jumu'ah. En l'an 368. Et il est mort le jour yani le jour de Jumu'a aussi, en l'an 463. 463. Donc c'est ça. Ça c'est pour l'imam Ibn Abdel Barr. Il mentionne ensuite le livre de l'imam Al-Bayhaqi. Et c'est un livre qui s'intitule Al-Asma wa Sifat. Et dans ce livre, il mentionne plusieurs des paroles des salafs sur les questions de l'asma wa sifat. Toutefois, Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il a noté à ce sujet-là que l'imam Al-Bayhaqi, il a parfois certaines ta'wilat. Il fait parfois certaines déformations du sens des attributs parce qu'il a été influencé par des Asha'ira à un certain moment donné. Et donc, il est rentré dans certaines shubuhat des gens de Kalam. Donc, il faut faire attention avec le livre de l'imam Al-Bayhaqi. Sinon, il y a des très bonnes citations dedans aussi. Il dit, وَقَبْلَ ذَلِكَ السُنَّةِ de l'imam Al-Tabarani. Il y a aussi un livre de l'imam Al-Tabarani qui s'appelle As-Sunnah. Il y a plusieurs livres des imams des salafs qui s'appellent As-Sunnah et qui rapportent les paroles des salafs et qui supportent le manhaj et la aqida des salafs au sujet des noms et des attributs et au sujet de d'autres points aussi par rapport à la sunna, comme j'ai dit tout à l'heure. Le cheikh il dit « Wa huwa l'imam al-hafidh Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Khammi wal-Khummi Abu al-Qasim al-Tabarani nisbatan ila Tabriya » Donc il s'appelle Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Khummi. Sa kunya c'est Abu al-Qasim al-Tabarani. Il a plusieurs livres, il a trois ma'ajim, trois recueils de hadith qu'on appelle Mu'jam, et il y a le Kabir, Al-Kabir, Al-Awsat et Al-Saghir. Et il a aussi un livre qui s'appelle Musnad al-Shamiyin. Il a beaucoup d'autres. Il dit, il est né en l'an 260 dans la ville de Tabriya, dans la région de Sham, la Syrie et les environs. Et il a vécu à Isfahan jusqu'à ce qu'il meure. Et il est mort en l'an 360. Donc il a vécu à peu près 100 ans. Hein? 100 ans. Subhanallah. Naam. Et il y a aussi un livre qui s'appelle As-Sunnah. Et là, il énumère plusieurs d'entre les imams qui ont un livre qui s'appelle As-Sunnah, comme Abu Sheikh Al-Asbahani. Donc c'est un imam, un muhaddith de la ville d'Asbahan. Et ça, c'est en Iran, si je ne me trompe pas, Asbahan. C'est Abu Muhammad. Il y a beaucoup de grands imams de la Sunna et des salafs qui viennent de cette région-là, de l'Iran. Hein? Donc c'est par la suite que les Rafidas se sont implantés là-bas. Ils sont devenus nombreux, mais sinon, à la base, c'était des endroits où on retrouvait la sunna très forte dans ces régions-là. Donc, c'est ça, Abu Sheikh al-Asbahani, son nom c'est Abu Muhammad, Abdullah ibn Muhammad, ibn Ja'far, ibn Hayyan al-Ma'ruf, bi Abi Sheikh, sahib al-Tasanif. Il est né en 264 de la Hijra. 264. Et il a des livres comme Al-Azama et As-Sunnah. Et c'est celui-là que Cheikh l'Islam indique ici, son livre As-Sunnah. Donc, il est mort en l'an 369 de la Hijra. Il y a ensuite Abu Abdillah ibn Mandah. Ibn Mandah, c'est aussi un des mashayikhs, un des ulama, des imams, qui a écrit des livres dans lesquels il rapporte plusieurs des paroles des salafs. Donc, Ibn Mandah, son nom c'est c'est Al-Hafiz, le muhaddith de l'islam. Son nom c'est Cheikh Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Yahya ibn Mindah. Et c'était un grand savant qui voyageait beaucoup, qui a écrit beaucoup de livres. Il a écrit de nombreux ouvrages. Il est né en l'an 310 et il est mort dans la ville de Isfahan en l'an 390. Il a vécu 80 ans et il a eu de nombreux ouvrages comme par exemple Al-Iman, Al-Tawhid, Al-Rad al-Jahmiya et Al-Sunnah. Et c'est celui à qui, et c'est le dernier à qui Cheikh l'Islam, ou au sujet duquel Cheikh l'Islam fait allusion. Donc, Al-Sunnah. Donc, tous ces livres-là, c'est des livres dans lesquels il y a des narrations et des citations des salafs dedans. Ensuite, le Cheikh, il mentionne un autre, par exemple, Abu Ahmad al-Assal al-Asbahani. Donc, son nom, c'est Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim ibn Sulayman ibn Muhammad ibn Ahmad al-Assal al-Asbahani. C'était un des grands imams, des grands mémorisateurs, des grands huffaz et parmi les plus grands savants. Il est mort en l'an 349 de la Hijra. 349 de la Hijra. Et il a de nombreux ouvrages, comme Tafsir al-Qur'an, Tariq, Al-Azama, Al-Sunnah, et c'est celui à qui, ou c'est celui au sujet duquel l'imam Cheikh Ibn Taymiyyah fait allusion ici, il indique celui-là, Al-Sunnah. وقبل ذلك Al-Sunnah lil-Khalal. Al-Sunnah lil-Khalal. Donc, Al-Khalal, c'est un des compagnons de l'imam Ahmad. Et il a écrit un livre qui s'appelle As-Sunnah, qui est en plusieurs volumes également, un peu comme le livre de l'imam Ibn Battah et de l'imam Al-Lalaka'i. Donc Al-Khalal, il a aussi un livre sur la Sunnah. Et son nom c'est Al-Allama Al-Hafiz Al-Faqih Sheikh Al-Hanabila wa Alimuhum, un des plus grands savants et un des plus grands shuyukh des Hanbali, des savants du madhab Hanbali, des gens qui ont étudié avec l'imam Ahmad même, et c'est un de leurs savants, donc Abu Bakr, son nom c'est Abu Bakr Ahmad ibn Ahmad Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Harun ibn Yazid al-Baghdadi al-Khalal. Il est né en l'an 234 et il est Aufilati Taliha ou 235, donc il y a divergence, et il est mort en l'an 311. Il a de nombreux ouvrages et parmi ces ouvrages il y a Al-Jami'u fil Fiqh qui a environ 20 volumes et un autre livre en 3 volumes qui s'appelle Al-Ilal et Al-Sunnah qui est en 3 volumes. C'est celui dont on parle. Selon l'édition, bien entendu, il y a des éditions qui ont plus que 3 volumes, il y en a d'autres qui ont moins, ça dépend. Ensuite, il y a l'imam Ibn Khuzaymah. L'imam Ibn Khuzaymah qui a le livre At-Tawhid. At-Tawhid Ibn Khuzaymah. Donc, Ibn Khuzaymah, c'est Cheikh l'Islam, un des grands savants de l'Islam et de la Sunna. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, dans lequel il affirme les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est Al-Hafiz, Al-Hujja, Al-Imam, Al-Faqih, Cheikh l'Islam, Abu Bakr, son nom c'est Abu Bakr, Muhammad ibn Ishaq, Ibn Khuzaymah, Al-Silmi, Al-Naysaburi, Al-Shafi'i. Il avait de nombreux ouvrages, de nombreux livres qu'il a écrits. Il dit wa qala anhu Abu Hatim ibn Hibban al-Tamimi. Donc Abu Hatim ibn Hibban al-Tamimi, il a dit à son sujet ma ra'aytu ala wajh al-ard من يحفظ صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. انتهى كلامه. سبحان الله. Donc il a dit à son sujet, je n'ai jamais vu sur la terre quelqu'un qui mémorise les qui mémorise les sunan, une chose qui a rapport avec la sunna, qui mémorise tout ce qui a rapport avec le travail qui est relié avec la sunna, et qui mémorise les textes des hadiths authentiques et qu'est-ce qui est et leurs ajouts, les ajouts de ces différents textes aussi dans les différentes narrations. Et il mentionne la sunna, ou il parle de la sunna comme si la sunna était devant ses yeux quand il en parle. C'est-à-dire il peut citer ça de sa mémoire, il les mémorise, et quand il les mentionne, les hadiths, c'est comme si il les avait devant ses yeux. Il n'a pas besoin de faire aucun effort pour s'en rappeler. Et il dit, j'ai pas vu personne comme ça sur terre, excepté Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma seulement. Donc c'est pour dire que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et il dit, وقال l'imam Abu al-Abbas ibn Suraj, وذكر له ابن خزيمة يستخرج النكت من حديث رسول الله بالمنقاش. انتهى كلامه. Donc il dit que l'imam Abu al-Abbas ibn Suraj, on lui a mentionné ibn خزيمة, et il a dit, il extrait les points bénéfiques des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec des ciseaux. C'est-à-dire, il est tellement précis et tellement méticuleux et tellement savant que quand il commence à analyser un hadith et à sortir les points bénéfiques de ce hadith, il les fait sortir comme si il les découpait au ciseau. Donc ça, c'est pour montrer la grandeur de cet imam Ibn Khuzayma. Donc c'est ça. Si je me trompe pas, il est mort en 333. Ibn Khuzayma. Ensuite, il dit wa kalam Abu al-Abbas ibn Suraj. Abu al-Abbas ibn Suraj wa ar-radd 'ala al-Jahmiyyah li jama'atin wa qabla dhalika as-Sunnah li 'Abdillah ibn Ahmad. Donc, il y a la parole également de Abu al-Abbas ibn Quraysh. Il dit, وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي القاضي بشيراز. C'était un juge dans la ville de Shiraz. Et on l'appelle بالباز الباز الأشهب. Ça c'était son surnom. صنف نحو 400 مصنف. Il a écrit plus que 400 ouvrages. Et il était un des imams du madhhab Shafi'i. Donc c'était un grand savant. Il est mort à Bagdad en l'an 306. Et ensuite le cheikh il dit wa ar-radd 'ala al-jahmiyyah li jama'a. C'est-à-dire ici il dit, c'est ça, il y a un groupe d'entre les savants qui ont écrit des livres qui s'intitulent Ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah. Il y en a plusieurs. Parmi ces savants-là, il y a l'imam Ahmad ibn Hanbal, il y a l'imam qu'on a mentionné, Ibn Mindah tantôt, et il y en a beaucoup d'autres aussi, comme l'imam Abu Daoud dans son Sunan et autres, et on va mentionner d'autres encore tout à l'heure. Il y a aussi le livre qui s'appelle As-Sunnah du fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et son nom c'est Abu Abdurrahman Abdullah, fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal Al-Duhli Al-Shaybani. Et il était une des plus pieuses personnes qui rapportait de son père. Il est né en l'an 213, il est né en l'an 213, Et il est mort, donc, il est mort à Bagdad en l'an 290. Et il a donc ce livre qui s'appelle As-Sunnah. Et il est publié, ce livre, en un volume. Il y a aussi le livre qu'on appelle As-Sunnah de l'imam Abu Bakr ibn al-Asram. Son nom c'est, lui c'est Al-Hafiz al-Thabt al-Thiqa, un des grands imams très célèbres. Son nom c'est Ahmad ibn Muhammad ibn Hani al-Ta'i al-Asram. C'était l'élève de l'imam Ahmad. C'était l'élève de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani. Il est décédé en l'an 273 de la Hijra. Il avait de nombreux ouvrages. Parmi ces ouvrages, il y a As-Sunan, il y a Al-Ilal, il y a As-Sunnah. C'est celui que Cheikh al-Islam mentionne ici. Il y a As-Sunnah, le livre qui s'appelle As-Sunnah, ou Usul As-Sunnah, de l'imam Ahmad ibn Hanbal lui-même, ou bien de Hanbal. Oui, Hanbal, c'est pas Ahmad ibn Hanbal. C'est Hanbal, ibn Ishaq, ibn Hanbal, ibn Hilal, ibn Asad, Abu Ali, al-Shaybani. C'est le cousin de l'imam Ahmad. Il dit, wa huwa ibn am al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Et c'est son élève aussi. Donc c'est son cousin et élève. Il s'appelait Hanbal. Il a un livre qui s'appelle As-Sunnah. Il est né avant l'an 200. Et il est mort en l'an 273. Et il a plusieurs ouvrages. Parmi ses ouvrages, Al-Fitan, Al-Mihna, As-Sunnah. Et c'est celui que Cheikh al-Islam indique ici. Il y a aussi As-Sunnah de l'imam Al-Marwazi. Al-Marwazi, ou parfois on dit Al-Marwazi. Donc son nom c'est Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj Abu Bakr al-Marwazi al-Faqih, al-Faqih Ahad al-A'lam Ajallu Ashab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, un des plus grands compagnons de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il est mort en l'an 275. Et donc son livre As-Sunnah, il est publié. On peut le trouver dans les librairies aujourd'hui. Abu Daoud As-Sijistani, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ha'iyya. C'est le livre qu'on connaît qui s'appelle Al-Ha'iyya, qui réfute les Jahmiyyah et les gens de Bid'ah. Non, c'est pas lui. Pardon. C'est dans son Sunan. C'est l'imam Abu Daoud, Sulaiman ibn Al-Ash'ath, ibn Ishaq ibn Bashir, ibn Shaddad, ibn Yahya, ibn Imran, Al-Azdi, Al-Sijistani. Donc il a plusieurs ouvrages très célèbres. C'est un des imams du hadith qui ont voyagé partout pour trouver le hadith. Il a rassemblé et réuni plein de hadiths, il y avait des milliers de hadiths, et il a entendu d'un très grand nombre de mashayikhs dans les différents pays, en Syrie, en Égypte, dans la péninsule arabe, en Irak, à Khorasan et autres. Il est né en l'an 202. Il est né en l'an 202 et il est mort à la ville de Basra le jour de Jumu'ah en l'an 275. Il avait 70 ans. Il avait 73 ans quand il est mort. Rahimahullah. Il est enterré à côté de l'imam Sufyan al-Thawri. qu'il a enterré à côté de l'imam Sufyan al-Thawri. Donc ça c'est Abu Daoud al-Sijistani. Il y a dans son livre, dans son Sunan, il y a Ar-Rad al-Jahmiyya, puis il y a Kitab al-Sunnah. Et le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est Ibn Abi al-Ash'ath. Et Ibn Abi Daoud al-Ash'ath. Al-Sijistani, c'est lui qui a écrit Al-Ha'iyya. C'est le fils de l'imam Abu Daoud. Sulaiman. Abu Daoud, Sulaiman, Ibn al-Ash'ath. Donc, Ibn Abi Daoud. C'est le fils de l'imam Abu Daoud qui a écrit Al-Ha'iyya. Qui est une réfutation aussi des Jahmiyyah et des gens bid'ah. Il y a ensuite Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba, il a lui aussi un livre qui ramène les paroles des salafs sur cette question. Et Ibn Abi Shayba, c'est un des grands imams. Son nom c'est Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba, Ibrahim ibn Uthman al-Ibsi al-Kufi. Il est né en l'an 259. Et il est mort dans le mois de Muharram de l'année 235. Pardon, il est né en l'an 159, pas 259. Il est né en l'an 159 et il est mort en l'an 235. Donc ça c'est l'imam Ibn Abi Shayba. Ok. Ensuite, As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, Abu Bakr Ibn Abi Asim. C'est le livre que Cheikh Al-Albani, dont Cheikh Al-Albani a fait le tahqiq. Son nom c'est Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Ja'far Ibn Al-Yaman Ibn Akhnas Ibn Khanis Abu Ja'far Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Musnadi. Il est mort en l'an 229 de la Hijra. Donc ça c'est, il a écrit le livre As-Sunnah. Il réfute les gens de Bid'a et il ramène les paroles des salafs dans son livre. Kitab Al-Rad al-Jahmiyya de l'imam Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi, Cheikh al-Bukhari. C'est le Cheikh al-Bukhari. Il a un livre qui s'appelle La réfutation des Jahmiyyah. Donc celui que je viens de mentionner là, c'était celui-là. Ibn Abi Asim, j'ai sauté sa biographie, c'est Abu Bakr ibn Amr ibn Abi Asim al-Dahhak ibn Mukhlid al-Shaybani al-Basri al-Hafiz. C'était le juge de Asbahan. Il est né en l'an 206 et il est mort en l'an 289. Et il avait plus que 300 ouvrages qu'il a écrits parmi ses livres à Sunnah. Et c'est celui qui a été publié et qui a été corrigé ou Cheikh Al-Albani, il a fait le tahqiq. Donc c'est lui là, la sunna de l'imam Abu Bakr Ibn Abi Asim, je me suis trompé. Donc la biographie de celui que j'ai mentionné après, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Ja'far Ibn Al-Yaman, ben ça c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure qui a écrit Ar-Rad al-Jahmiyya, c'est le cheikh de l'imam Al-Bukhari. Il est mort en l'an 229. Ensuite, le livre Khalq Af'al al-Ibad. Et ça, c'est écrit par Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, l'imam al-Bukhari. C'est lui-même qui l'a écrit, ce livre. Khalq Af'al al-Ibad. C'est écrit par l'imam al-Bukhari. et il réfute dedans les gens de Bid'a. Et il y a aussi le livre Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya de l'imam al-Bukhari aussi. Il dit وكتاب الرد على الجهمية لعثمان ابن سعيد الدارمي. Il y a le livre de l'imam al-Darimi. Son nom c'est Othman ibn Sa'id ibn Khalid ibn Sa'id al-Imam al-Allama al-Hafiz al-Naqid al-Darimi al-Sijistani. Il est né قبل المئتين. Il est né quelque temps avant l'année 200. Et il a cherché il a voyagé beaucoup pour rechercher le hadith. Et il a écrit le livre aussi Ar-Radd 'ala al-Murrisi. On en a parlé dans le cours précédent. Son livre a été publié. Il s'intitule Radd al-Imam al-Darimi Uthman ibn Sa'id 'ala Bishr al-Murrisi al-'Anid. Donc il est disponible dans les librairies aussi. Ça, c'est un des grands imams qui a réfuté ces gens-là. Et Kalam al-Aziz al-Makki aussi. Al-Aziz al-Makki, c'est l'imam Abdul Aziz. C'est ça, Kalam Abdul Aziz al-Makki, c'est Abdul Aziz ibn Yahya ibn Abdul Aziz al-Kinani al-Makki. Et c'est lui qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Haïda. Al-Haïda aussi, dedans, il paraît que il y a des paroles qui sont incorrectes aussi. Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il l'a mentionné dans son charh, et il a dit parfois il y a des formes de ta'wil dedans. Mais de façon générale, il est correct, mais il y a des petites erreurs, il faut faire attention dans certains passages. Donc, il dit que il est mort en l'an 240. Donc, Abdel Aziz Al-Makki, il est mort en 240 après la Hijra. Et il dit Sahib al-Haïda Firrad ala al-Jahmiyya. Donc c'est lui qui a écrit ce livre-là. Wa Kalam Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i. Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i, il dit que son nom c'est Nu'aym ibn Hamad ibn Mu'awiyah ibn al-Haris Abu Abdullah al-Khuza'i al-A'war al-Farid al-Marwazi. حبس بسامر بسبب محنة القرآن حتى مات. Donc il a été enfermé, emprisonné à l'époque de la fitna de محنة القرآن, c'est-à-dire la fitna des Mu'tazila, et il est mort emprisonné. Et la date de sa mort, c'est 228 de la Hijra. Donc, Nu'aym ibn Hamad. Et il y a aussi les paroles de Ahmed ibn Hanbal et de Ishaq ibn Rahouya. Ahmed ibn Hanbal, c'est l'imam bien connu parmi les quatre imams des Madahib. Et l'imam Ishaq ibn Rahouya, c'est un des grands, parmi les grands imams des Salaf. Il dit wa huwa l'imam Ishaq ibn Ibrahim ibn Mukhlid ibn Ibrahim al-Ma'ruf ibn Rahouya. Il est né en l'an 161. Et il est mort en l'an 238. C'était un imam des gens de la ville de Marou. Quand on voit quelqu'un, on voit Marwazi, c'est des gens qui viennent de Marou. Il a vécu à Naïsabou. Et les gens suivaient ses positions et ses choix dans le fiqh. Et il fait partie des contemporains qui étaient du niveau de l'imam Ahmad ibn Hanbal. C'est-à-dire que c'est des gens de la même catégorie, du même degré de science que celui de l'imam Ahmad ibn Hanbal. قال عنه وقال عنه لم يعبر الجسر لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وكان وإن كان يخالف هناك أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. Donc Ahmed ibn Hanbal a dit que personne n'a traversé le pont de Khorasan comparable à Ishaq, même s'il était en contradiction avec nous sur certaines choses, mais il dit les gens sont toujours divergents les uns des autres. Et ça c'est connu dans les questions de fiqh, hein, entre les ulama d'Ahl al-Sunnah, il y a souvent des divergences, mais yani, ça c'est des choses qui arrivent, c'est normal. Hein, du moment que c'est des imams de la Sunna, ils se réfèrent à des preuves et yani, ce n'est pas des, des divergences dans les fondements de la religion, mais dans les choses qui sont yani, établies par des preuves claires, des choses comme ça, ainsi de suite, comme on l'a expliqué déjà. Ensuite, il y a Yahya ibn Yahya al-Naysaburi. Yahya ibn Yahya al-Naysaburi, donc c'est son nom, l'imam al-Hafiz, Yahya ibn Yahya, ibn Bakr. ابن عبد الرحمن أبو زكريا التميمي المنقري النيسابوري il est né en l'an 142 et il est mort en l'an 226 donc et beaucoup d'autres également. الشيخ ابن تيمية يقول وأمثالهم وقبل هؤلاء عبد الله ابن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. donc il dit il y en a beaucoup d'autres comme eux et avant eux il y a aussi l'imam Abdullah ibn al-Mubarak qui est un des imams parmi les imams des salaf. Son nom c'est Abu عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي مولى بني حنظلة من أهل مرو وكان مولده بها سنة 18 و100 donc lui l'imam Abdullah ibn Mubarak c'est un des grands imams parmi les salaf, un des contemporains de l'imam Malik et l'imam Malik avait beaucoup de respect pour lui de même que beaucoup d'autres dans les grands imams. Il est né dans la ville de Marou en l'an 118 et il est mort dans le mois de Ramadan en l'an 181. C'est drôle parce que si on inverse les deux derniers chiffres de sa date de naissance et sa date de, la date de sa mort, ça, c'est les deux mêmes chiffres, 8 et 1. Hein, 118, 181. Donc, c'était un des grands imams, on l'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith, hein, un grand imam. Il a commencé à chercher la science du hadith, il n'avait même pas 10 ans. Hein, il a voyagé pendant de nombreuses années et il a rencontré même certains d'entre les tabi'in, hein, et il faisait beaucoup de recherche de la science, il voyageait pour la science et également il faisait le jihad, il faisait le hajj et c'était un commerçant aussi. Aïna, rahimahullah, un des grands imams. Donc ça c'est des exemples. Et le Cheikh l'Islam, il dit, ça c'est juste quelques exemples, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Hein? Et il dit, وَعِنْدَنَا مِنَ الدَّلَائِلَ السَّمْعِيَّ وَالْعَقْلِيَّ مَا لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعِ لِذِكْرِهِ. Le Cheikh ibn Taymiyyah, il dit, nous avons des preuves de la révélation et de la raison, il y en a qu'on ne peut pas mentionner ici tellement il y en a. Et dans cette fatwa. On ne peut pas les mentionner ici dans cette fatwa, tellement il y en a des nombreuses. Il y avait une parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Ar-Rad, pardon, c'est dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala al-Jahmiyya wal-Mu'tazila, il y a des paroles à ce sujet-là. J'aurais aimé pouvoir vous les mentionner parce que c'est vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes ici dans ce livre-là. Puis ça parle de وأما السمعية فتقارب ألف دليل. Donc il dit les preuves de la révélation, il dit dans son livre, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala, il dit en ce qui concerne les preuves de la révélation au sujet du fait que Allah est au-dessus de son trône et de l'affirmation des attributs d'Allah, il dit il y a plus que il y a proche de 1000 preuves à ce sujet-là. Subhanallah. Donc fa'ala al-muta'awwil an yujib an dhalika kullihi, qui dit la personne qui vient avec des ta'wils pour essayer de déformer le sens des attributs, il doit ramener une réponse pour toutes ces preuves-là. Et il dit wa hayhat lahu bi jawabin sahihin an ba'd dhalik, dit et c'est impossible qu'il ramène une réponse correcte à même une partie d'entre ces preuves-là. فَنَحْنُ نُطَالِبُهُ بِجَوَابٍ صَحِيحٍ عَنْ دَلِيلٍ وَاحِدٍ. Et on lui demande une réponse correcte juste pour une seule de ces preuves, si il peut. Et là, il mentionne un argument et une preuve à ce sujet. Donc, c'est pour dire. Et, subhanallah, c'est pas toute la citation au complet, mais c'est juste une partie de ce que j'aurais voulu vous faire lire ou vous faire entendre. Mais c'est vraiment intéressant. Puis ça explique, ça a rapport avec qu'est-ce que ici le cheikh il dit que il dit وَعِنْدَنَا مِنَ الدَّلَائِلَ السَّمْعِيَّ وَالْعَقْلِيَّ مَا لَا يَتَّسِعُ لِهَذَا الْمَوْضِعِ. On a des preuves de la révélation et de la raison qu'on ne peut pas détailler maintenant, ici, dans cet endroit-là. Et Cheikh Al-Fawzan me dit à ce sujet, « Al-dala'il al-sam'iyya hiya al-nusus al-warida fil kitab wa sunnah. Wal-dala'il al-aqliyya hiya al-barahin al-lati yusbituha al-aql al-sarih al-mazkur fil Qur'an al-Karim kama fi qawlihi ta'ala inna fi dhalika la'ibratan li'uli al-absar. فاعتبروا يا أولي الأبصار أفلا تعقلون أفلا تذكرون وقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وليس المراد بها علم الكلام والمنطق التي يعتمد عليها الجهمية والمعتزلة. Donc le cheikh il dit que cheikh Al-Fawzan il dit les preuves qu'on appelle sam'iyya en arabe, ça veut dire les textes qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Textes qui sont dans le Coran et dans la Sunna. On les appelle sam'iyya, ça vient de sam'a. Ça veut dire, l'ouïe, le fait d'entendre. Et pourquoi on les appelle les preuves, du Coran et de la Sunna, on les appelle sam'iyya par opposition à aqliyya, c'est-à-dire rationnel, par opposition aux les preuves audibles par rapport aux preuves rationnel, c'est parce que la révélation, elle est transmise par la parole, et elle est donc audible, on peut l'entendre. Tandis que les preuves rationnelles, c'est, les preuves qu'on peut comprendre en utilisant notre logique, notre raison. Et le cheikh, il explique donc que les preuves sam'iyya, qui sont sam'iyya, c'est-à-dire les preuves du Coran et de la Sunna, et celles qui sont aqliyya, c'est-à-dire qui viennent c'est un mot qui est tiré de al-aql, al-aql qui veut dire la raison, eh bien les preuves qui sont aqliyya, c'est-à-dire les évidences et les preuves qui sont confirmées par la raison qui est propre et claire, et ça c'est mentionné dans le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a en cela une leçon pour les gens qui possèdent la clairvoyance ou qui possèdent la compréhension. Ça, c'est le verset 44 dans Sourate An-Nur, et le verset 13 dans sourate Al-Imran, et aussi le verset 2 dans sourate Al-Hashr, Allah dit fa'tabiru ya ulil absar, dit faites preuve de réflexion, réfléchissez et comprenez, ô vous qui détenez la compréhension, ulil absar. Et il dit dans le verset 32 dans sourate Al-An'am, afala ta'qilun, ne réfléchissez-vous donc pas, ou ne raisonnez-vous donc pas. Donc Allah nous appelle à raisonner, à utiliser notre raison. Afala tadhakkarun, n'allez-vous pas vous souvenir, le verset 3 dans sourate Yunus, et le verset 118 dans sourate Al-Imran, qad bayyana lakum al-ayat, nous vous avons expliqué les signes, les versets, si vous réfléchissez ou si vous raisonnez. Et le cheikh, il explique ici, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ce n'est pas la science de, qu'est-ce qu'on appelle ilm al-kalam, ou la philosophie, ou la logique d'Aristote, des Grecs, hein, ou les règles les règles rationnelles qui ont été inventées par les philosophes, ou ces gens-là. C'est pas de ça quand on parle de la science, on parle pas de ça. Hein, ça, c'est les choses sur lesquelles se basent les Jahmiyyah et les Mu'tazila. Nous, quand on parle de la raison, c'est-à-dire la raison, le bon sens, la logique naturelle et claire et pure, humaine, que tout être humain possède, sans même avoir à étudier la logique grecque ou la logique d'Aristote ou la dialectique ou des trucs de ce genre. Donc c'est la logique simple et pure de l'être humain. Donc il y a plein de preuves logiques pour affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ok, on va continuer un petit bout. On va faire un petit bout encore, puis on va s'arrêter. Il dit wa ana a'lamu anna al-mutakallimina lahum shubuhatun mawjuda lakin la yumkinu dhikruha fil fatwa. Faman nazara fiha wa arada ibanata ma dhakaruhu من الشبه فإنه يسير وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فكيف تطيب نفس مؤمن بل فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, il dit ici, je sais que les gens de Kalam, ils ont beaucoup d'autres shubuhat, mais il n'est pas possible de toutes les mentionner ici dans la fatwa. Celui qui veut avoir plus de détails, de clarification sur ce qu'ils ont dit comme shubuhat, eh bien, c'est très facile. فَمَنْ نَظَرَ فِيهَا وَأَرَادَ إِبَانَةَ مَا ذَكَرُوهُ, celui qui veut la clarification de ce qu'ils ont mentionné comme shubah, eh bien, c'est quelque chose de simple et de facile. Cheikh Al-Fawzan, il dit يَعْتَذِرُ عَنْ ذِكْرِ كُلِّ الشُّبُهَاتِ أو كُلِّ شُبُهَاتِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَعَ الرَّدِّ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْفَتْوَى مُحَدَّدَةَ وهي جواب عن سؤال فقط ومن أراد الرد على بقية الشبهات فهو موجود في الكتب المطولة له ولغيره فليراجعها. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit que l'imam Ibn Taymiyyah ici, il s'excuse de ne pas avoir mentionné toutes les shubuhat des gens de Kalam et de ne pas les avoir toutes réfutées, parce que la fatwa, elle est limitée ici. Et c'était uniquement une réponse à une question bien spécifique seulement. Mais celui qui veut avoir la réfutation des autres shubuhat, eh bien, elles sont présentes, ces réfutations, dans d'autres livres qui sont plus longs, plus détaillés, de l'imam Ibn Taymiyyah lui-même ou d'autres également, et il peut y retourner. C'est-à-dire que c'est possible de retourner à ces autres livres. Après, il dit, et si on sait que maintenant, on sait que la base de cette position, de cette parole des Jahmiyyah, à la base, elle vient, les formes de négation des attributs qu'ils font et les formes de déformation du sens des noms d'Allah et de ses attributs, si on sait que ça vient, que c'est tiré des élèves des mushrikin et des sabi'in et des juifs, hein, et autres, eh bien, comment un musulman, plutôt le cheikh dit un croyant, ou même comment est-ce que l'âme d'un croyant ou d'une personne raisonnable pourrait prendre la voix de ces gens-là sur qui il y a la colère d'Allah et parmi les égarés, prendre leur voix à eux et laisser la voix de ceux sur qui Allah a mis sa grâce, hein, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs et les pieux. Donc, Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, « Sabaqa bayan an al-jahm akhadaha an al-ja'ad, wal-ja'ad akhadaha an Aban ibn Sam'an, وأبان أخذها عن طالوت وطالوت أخذها عن لبيد بن العاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فأصل ما قالت الجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم مأخوذة عن دين المجوس ودين اليهود ودين المشركين ودين الصابئة وبراهمة الهند كما سبق بيانه ولم تؤخذ من الكتاب والسنة. Donc le cheikh explique que on a expliqué précédemment que Al-Jahm ibn Safwan il a pris cette aqida de Al-Ja'd ibn Dirham et Al-Ja'd il l'a pris de Aban ibn Sam'an et Aban ibn il l'a pris de Talut et Talut il l'a pris de Labid ibn Al-Asam, le juif qui a ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à la base de cette position, de cette parole des Jahmiyyah, qui a été reprise par la suite par les Mu'tazila et les Asha'ira et d'autres, eh bien, cette parole, elle a été prise à la base de la religion des Majus et de la religion des Juifs et des Mushrikin et de la religion des Sabi'a et des Brahmanis, comment on les appelle? Les Brahmanites, en tout cas, les Brahima de l'Inde, et les Hindous, hein, ils les ont pris, donc ils ont pris ces paroles de ces mushrikines-là et de ces gens-là, comme on l'a expliqué précédemment. Et ça ne vient pas du tout du Coran et de la Sunna. Le Cheikh, il dit, فَكَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُ مُؤْمِنٍ بَلْ نَفْسُ عَقِلٍ. Donc, on a expliqué comment on peut être satisfait, comment l'âme d'un croyant peut être satisfait de prendre cette voie-là, de ces gens-là, au lieu de prendre la voie des croyants. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-Mardoub alayhim al-Yahoud, wa-Dalloun al-Nasara, kama fi akhiri surat al-Fatiha, ihdina al-Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, ghayr al-Mardoub alayhim wa-Dallin. المغضوب عليهم هم كل من عنده علم ولم يعمل به سواء من اليهود أو غيرهم والضالون هم الذين يعملون بغير على غير دليل وهم المبتدع من النصارى ومن صار على نهجهم. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit que المغضوب عليهم, c'est-à-dire ceux sur qui il y a la colère d'Allah, ce sont les juifs, et الضالون, ce sont les chrétiens. Comme cela a été mentionné dans Surat Al-Fatiha, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6 et 7, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. C'est-à-dire, ceux qui ont encouru la colère, c'est les juifs, et ce sont tous ceux qui ont une science, mais qui ne l'appliquent pas, peu importe que ce soit des juifs ou autres. Et les égarés, Ad-Dalloun, ce sont tous ceux qui agissent ou qui pratiquent quelque chose, mais qui n'ont pas de preuves, qui n'ont pas de science. Et ce sont les Mubtadi'a parmi les chrétiens et ceux qui ont suivi leur voie. Donc, le cheikh il dit ensuite, « فَالْإِنسَانِ إِمَّا أَنْ يَسِيرْ فِي طَرِيقِ الْمُنْعَمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْعِلْمِ النَّافِعُ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَإِمَّا فِي طَرِيقِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ بِعِلْمِهِمْ وَإِمَّا فِي طَرِيقِ الضَّالِّينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى جَهْلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ عِلْمٍ وفي مقدمتهم النصارى والصوفية، والصوفية يزهدون في العلم، والصوفية يعني يزهدون أو يزهدون في العلم إلى الآن، يقولون لا تتعلموا لأن ذلك يشغلكم عن العبادة، تفرغوا للعبادة والذكر والتجول والخروج وطلب العلم سيعوقكم عن هذه الأمور. ويقولون لمن يعني يقولون لمن يغررون به سوف يفتح على قلبك أو سوف يفتح على قلبك ويأتيك علم بدون أن تتعلم. وغلاتهم يقولون إننا نأخذ العلم عن الله مباشرة ولسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى العلماء، والحاصل أنهم كلهم يزهدون في العلم ويحثون على العمل بدون علم. Donc on va terminer avec ça. Le Cheikh Al-Fawzan explique un point très important. Il dit donc l'homme doit suivre le chemin de ceux qui ont reçu la grâce d'Allah sur eux, et ce sont ceux qui ont réuni la science bénéfique et l'action, la bonne action, la science bénéfique et la bonne action, soit par la voie de ceux qui ont encouru la colère sur eux, tariq al-mardoub alayhim, et ce sont les savants qui n'ont pas appliqué leur science, ou soit par le chemin des égarés, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah avec ignorance et qui n'ont pas de science. Donc il faut éviter ces deux voies-là, la voie de ceux qui ont la colère d'Allah sur eux, ceux qui ont de la science mais qui ne l'appliquent pas, et la voie de ceux qui se sont égarés, c'est-à-dire qui adorent Allah avec ignorance et qui n'ont pas de science. Et à la tête de ceux-là, il y a les chrétiens et les soufis. Ça, c'est la vérité. Parce que les soufis, ils suivent les chrétiens. Les soufis, parmi ceux qui se disent musulmans, parmi les musulmans qui font partie des gens de l'égarement et des sectes, des gens de bid'a, donc il y a les soufis, et eux, ils imitent les chrétiens. Ils ressemblent beaucoup aux chrétiens dans leur ignorance. Et les chrétiens, c'est comme ça. Subhanallah, tu les vois, ils font des églises, et ils, dans leurs églises, il y a des orchestres, des batteries, des guitares, des instruments de musique. On se demande si c'est une discothèque, leur mosquée, ou bien si c'est un endroit, leurs églises. On se demande si c'est une discothèque ou un club, ou un bar, ou un endroit où les gens vont pour danser, ou si c'est un endroit de religion, yani, comme ils le prétendent. Et yani, ça, c'est vraiment ridicule, yani, subhanallah. Donc, ça, c'est des exemples de l'ignorance. Et chez les soufis, tu trouves ça aussi. Les chants, et la danse, et la musique, pour eux, ça, c'est normal. Allah al-musta'an. Donc, le cheikh, il dit, donc les chrétiens et les soufis. Les soufis, ils éloignent tout le temps les gens de la science. Ils essaient toujours d'écarter les gens de la science. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça, j'en ai rencontré beaucoup. Et même quand, yani, je me suis converti à l'islam, j'en ai rencontré beaucoup comme ça. Yani, subhanallah, ils essaient toujours d'éloigner les gens de la science et des savants. Donc, ils vont dire, par exemple, comme le cheikh il dit, ils disent, n'apprenez pas. Parce que si vous apprenez, vous étudiez la religion, ça va vous distraire de l'adoration. Donc, yani, concentrez-vous uniquement sur l'adoration, le dhikr, et le fait d'aller faire des voyages, yani, comme ils font là, comme Diamat Tablir par exemple, le fait de sortir, d'aller d'un endroit à l'autre, puis se promener. Mais pour eux, yani, la quête de la science, ils disent que c'est quelque chose qui va vous obstruer le chemin de l'adoration. Donc ils disent, yani, il faut pas chercher la science. Et ils disent à ceux qu'ils veulent tromper, Dieu va ouvrir ton cœur et tu vas recevoir de la science sans étudier. Et les extrémistes parmi eux, ils disent même que eux, ils prennent la science directement de Dieu. Mais ils se prennent pour des prophètes, Einstein. Ils ont dit, comme s'ils avaient des révélations, là. Ils disent, nous, on n'a pas besoin des messagers, on prend directement de Dieu. Donc, ils ne suivent pas la sunna. Ils n'ont pas besoin de la sunna, ils prennent de Dieu directement. Et ils ne prennent pas des ulama non plus. Parce qu'ils prennent directement de Dieu. Donc, ça, c'est l'égarement de ces gens-là. والحاصل انهم كلهم يزهدون في العلم. Donc, la réalité, c'est ça. En résumé, on peut dire que c'est ça ce qu'ils font. Ils éloignent les gens de la science et ils incitent les gens à appliquer la religion ou à pratiquer la religion, mais sans connaissance de la religion comme il faut. Sans connaître la religion comme il faut. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a lu pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Et on a donc terminé cette introduction. Puis là, maintenant, à partir de ce point-ci, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il va commencer maintenant à expliquer c'est quoi la position des salafs à propos des attributs d'Allah. Comment les salafs ont compris la foi en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il a expliqué, il a donné une base pour comprendre les égarements des gens de bid'a et les gens de kalam et comment les réfuter. Là maintenant, et l'origine de leurs paroles, maintenant ils commencent à établir les bases et les fondements pour savoir qu'est-ce que c'est la position des salafs maintenant et c'est quoi leur fondement et leur croyance par rapport au nom et aux attributs d'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.